DS. Aïe. C'est le rap de Tox, un duo depuis 4 ans. Qui tue York, comme le mot Rolex sous ton cadran. Des phases précises, comme les passes d'un quarterback. Écoute quand on débarque, ça fait le bruit de 3 dirt bikes. C'est avec les rimes que je boxe, et on m'appelle Cassius Clay. Moi je suis pas un gars suspect, qui croit que celui qui susplait. Dans le rap c'est comme la bouffe, y'a la gamelle surgelée. Moi je roule avec ZDC, le bon collègue surgelé. Devant le chromie, on a les crocs comme de Pitarcore. On pique au corps et c'est plus simple que devant du Pythagore. Ouais, t'es pas d'accord, alors que dans le rap y'a des tas d'abus. Y'en a plein qui puent, mon son de balaf comme un éclat d'obus. Mec au mic, j'abat des. Même si j'ai pas d'équipe, j'en mets une tarte au rap français car son niveau est pathétique. Écoutique du commercial, c'est incompréhensible. Si tu recherches des MC qui tranchent, je suis incompréhensible. C'est le rap de Dux, à terre, on balance des faces colossales. Vas-y bâtard bouge, y'aura du roux, t'auras ton colossal. Le pot on le sait, qu'on envoie fort, pour ça on s'inquiète pas. Quand t'auras mon album, tu prendras fort, comme avoir 5 et de plein. C'est le rap de Dux, à terre, on balance des faces colossales. Vas-y bâtard bouge, y'aura du roux, t'auras ton colossal. Le pot on le sait, qu'on envoie fort, pour ça on s'inquiète pas. Quand t'auras mon album, tu prendras fort, comme avoir 5 et de plein. Moi je te présente mon groupe, le rap de Tox, un métis en blanc. Le rap j'attrape, je bug, c'est faux que j'investisse en plan net. Si clair la stoute, devant leur rime, tu tapes des crises en face. Et les débris s'entassent lorsque tu rappes parce que tes crises en face. Tu pousses des crises en phrase. Actuellement on pousse la bête au fond. Des mal de crâne et des envies de bouffer, c'est ce que les pédos font. Là les emmerdes, moi je suis arabe lorsque je suis légendaire. En clash tous les gens perdent. Ouais c'est Ziclair, le toxo légendaire. Ouais c'est la merde, j'ai plus que de spliff et plus des masses à ça. Ramène pas tes poumons plus elle si tu fumes sur des masses à ça. Le rap de Tox, deux frères d'enfance rabattent qu'on pute salive. Si t'aimes sucer, va sur le trottoir, t'inquiète mon frère, une pute salive. C'est fantastique. Viens vers chez moi le soir c'est fantasplé. Fais pas la folle avec mes potes sinon direct t'as fantasplé. La stoute c'est des bonnes faces, t'as rien compris si toi t'aimes pas les siennes. Depuis tout petit je bouffe que des pierres, comprends pourquoi mon palais c'est. C'est le rap de Dux, à terre, on balance des faces colossales. Vas-y bâtard bouge, y'aura du roux, t'auras ton colossal. Le pot on le sait, qu'on envoie fort, pour ça on s'inquiète pas. Quand t'auras mon album, tu prendras fort, comme avoir 5 et de plein. C'est le rap de Dux, à terre, on balance des faces colossales. Vas-y bâtard bouge, y'aura du roux, t'auras ton colossal. Le pot on le sait, qu'on envoie fort, pour ça on s'inquiète pas. Quand t'auras mon album, tu prendras fort, comme avoir 5 et de plein. Écoute mon frère, l'album est né, je balance que des faire part. Dedans tous mes frères part. Je suis fier, je pars, j'ai un keuf pour faire part. Ne ravise pas les gamines, ni les sexes, ça génère. Si tu me vexes, sors les canines là, tu sais que j'ai les nerfs. C'est le bord des faces. Au rap de Tox, on fait déborder le vase. On baisse les portes et faces. Porte con, qu'un orime torche tes faces. Le gosse trip, que vos styles. Tu te rends fou comme un beau strip. Le R de T, une valeur sûre, même à Wall Street. Un gros spliff, en guise d'inspi, après j'étouffe les ondes. Quand je rappe, c'est intensif. Tu prends des chiffres, et frites, tu te bouffes les ondes. Le rime saute en carré. À côté, t'es de la pacotille, petit. Je préfère que mes textes soient carrés et qu'ils squattent pacotille. Sur ma feuille, les ratures pleurent. Après les rats, leur pleurent. Faire du boom. Les radios peuvent, le rap de fou, je suis la pure preuve. Le R de T, enregistre ce blast sur ta disquette. On touche un public large, les gros lascar au gars qui skate. Le rap de Dux, à terre, on balance des faces colossales. Vas-y bâtard bouge, y'aura du roux, t'auras ton colossal. Le pot on le sait, qu'on envoie fort, pour ça on s'inquiète pas. Quand t'auras mon album, tu prendras fort, comme avoir 5 et de plein. Le rap de Dux, à terre, on balance des faces colossales. Vas-y bâtard bouge, y'aura du roux, t'auras ton colossal. Le pot on le sait, qu'on envoie fort, pour ça on s'inquiète pas.